La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle série de la Compagnie des auteurs. Nous parlons jusqu'à jeudi du plus animal des hommes de lettres, Guy de Maupassant. Il a connu une carrière littéraire des plus brèves, 10 années seulement. Mais cela lui sera suffisant pour rédiger 6 romans, plus de 300 contes et nouvelles, ainsi que de nombreuses chroniques dans les journaux. Toutes choses qui l'ont rendu célèbre et populaire et lui ont permis de le rester jusqu'à nos jours. Sa vie brève et tragique sera marquée par la maladie et se terminera dans la folie, due sans doute à une syphilis contractée auprès des prostituées qu'il fréquentait assidûment. Nous en parlerons jeudi avec Patrick Wald-Lazowski et Daniel Grojnowski. Mercredi, nous nous pencherons plus particulièrement sur ces contes et nouvelles dont un grand nombre ont été réunis au sein du gros volume Quarto, présenté par Martin Reed chez Gallimard. Martin Reed qui sera justement notre invité. Demain, le premier roman de Maupassant, Une vie, qui était peut-être aussi un hommage à l'Emma Bovary de Flaubert. Nous en parlerons avec Antonia Fauny qui en a rédigé la préface dans l'édition Garnier Flammarion. Et aujourd'hui, mon invité d'aujourd'hui s'appelle Frédéric Martinez. Il est l'auteur d'un petit éloge des vacances en folio Gallimard, mais son amour des vacances ne l'empêche pas d'être également un écrivain prolixe, auteur entre autres de biographies comme celle de Paul-Jean Toulet, de Claude Monet ou encore de Jimi Hendrix, sans compter Franz Liszt et surtout Maupassant dans la collection Folio Biographie. Et le récit de la vie de l'écrivain normand, c'est justement ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Une vie qui commence par une influence décisive, celle de sa mère, Laure de Maupassant. C'est une femme de province, c'est Madame Bovary, c'est Madame Bovary, mais c'est Madame Bovary avec la volonté, avec l'intelligence, avec l'énergie. C'est pas du tout la Bovary bovarisante. C'est la Bovary provinciale, c'est la Bovary bas bleu, c'est la Bovary qui rêve d'autre chose, qui rêve de quantité d'amour merveilleuse, qui rêve de romantisme, mais qui en même temps est une terrible réalité. Cette femme est une malade nerveuse. Toute sa vie, elle prendra de l'éther, elle prendra tous les moyens que la pharmacopée de l'époque donnait aux hommes et aux femmes, et elle sera toujours cette espèce de flamme noire, cet être douloureux, en même temps caractériel, quelqu'un qui était beau, quelqu'un qui était intelligent, mais avec une force de conquête sur les autres hommes qui a été assez extraordinaire. Si bien que Guy de Maupassant ne sortira jamais, lui, de l'ombre de cette femme, et que sur les 300 femmes qu'il connaîtra, il n'y en aura jamais qu'une qui aura marqué sa vie, c'est Laure de Maupassant. Armand Lanoux au micro de Pierre Lost en 1967. Bonjour Frédéric Martinez. Bonjour. Alors parmi les 300 femmes de Maupassant, une seule aurait vraiment compté et c'est sa mère. Ah oui, alors Laure de Maupassant, elle est extraordinaire. On ne peut que commencer cette émission en l'évoquant, en parlant d'elle, parce que c'est un personnage à la fois terrible et merveilleux, une femme très affranchie pour l'époque, qui a été la meilleure amie de Flaubert surtout. Femme d'une très grande culture, qui lisait Shakespeare dans le texte, qui fumait des cigarios en chevauchant sur la lande normande telle une Amazone 19e siècle, donc qui marquait beaucoup les esprits, et puis qui était aussi la meilleure amie de Flaubert, vous savez, ce gros écrivain moustachu, avec des moustaches de viking, vous voyez, on voit tous vaguement qui c'est, et qui aura une certaine influence sur le jeune Guy, alors qu'il naît, lui, au château de Tourville-sur-Arc, c'est pas très loin de Dieppe, au château de Miroménil, à Tourville-sur-Arc, pas très loin de Dieppe. Alors, sa naissance est un peu obscure. Armand Lanoux, qu'on entendait, l'évoque un peu dans sa biographie. Et de toute façon, chaque ville, chaque village revendique toujours son grand homme, donc certains veulent le voir naître à Fécamp. D'aucuns le voient à Miroménil. Alors, disons, dans ce grand château où les parents de Maupassant ont vécu pendant assez peu de temps, finalement. Assez peu de temps, c'est vrai. C'est un magnifique château. C'est un magnifique château en briques et pierres. Et donc, Laure et Gustave de Maupassant, donc le père, qui n'est pas très présent, que Guy déteste cordialement, donc donne naissance à cet enfant à la tête ronde comme une pomme, comme disait le bon docteur qui est venu accoucher Laure. Laure qui, Armand Lanoux, évoquait les nerfs de Laure. Alors, elle a eu très peur de la sage-femme parce qu'elle avait l'air d'une... C'était une vieille femme horrible, un peu édentée. Et Laure, il voyait sans doute un présage, un mauvais présage. Vous revenez souvent sur le fait qu'il avait une tête ronde comme une pomme dans votre biographie. Oui, je trouve ça très amusant pour un Normand. Et, parce qu'en fait, le docteur, donc, je crois que c'est le docteur Guiton, a massé le crâne du pauvre nouveau-né voilà, afin de l'arrondir le plus possible. Oui. Enfin, toujours est-il que cette pauvre Laure de Maupassant, qui est donc un peu neurasthénique, en elle a raté son mariage avec le bon Gustave, ou peut-être pas si bon que oui, ça, d'ailleurs. Oui. C'est presque un personnage de Flaubert, Gustave. C'est un peu Rodolphe dans Madame Bovary, vous voyez, l'amant d'Emma, qui l'emmène chevaucher dans la forêt, et qui en fait est un horrible personnage sans foi ni parole. Alors, avec le bon Gustave, oui, ça se passe très très mal. Il fait des dettes, il dilapide sa fortune, il a des danseuses réelles, hein, et donc il découche le plus souvent possible. Et il est totalement incompétent, un peu bête. Oui, il faisait de l'aquarelle. C'est un artiste un peu raté, dirons-nous. Enfin, du moins, ses aquarelles témoignent pas d'un talent immense. Alors, on ne devient pas forcément Hitler quand on a un peintre raté, mais un mauvais père en tout cas. Et d'ailleurs, ils vont se séparer. Lui va habiter à Paris, un peu avare finalement avec son fils et ne jamais tellement l'aider. Son fils Guy, qui a une enfance naviguant entre exubérance et mutisme. Vous dites que c'est un enfant complexe. Alors, c'est un enfant très complexe, assez sombre, qui peut ne pas parler. Il fait des sales tours aussi, des vilains tours. Il est un peu pervers. Il est un peu. Il le restera. C'est compliqué. Il est à la fois très franc, un personnage compliqué, à la fois très sympathique, très bonhomme, un bon gaillard au parler dru, et à côté de ça capable, non pas des pires crasses parce qu'il est toujours très droit en amitié, mais capable des farces les plus macabres, on va dire. Alors il aime bien terrifier. Sa grand-mère, le Poitevin, la mère de Laure, avec des grosses araignées qu'il va dénicher, alors que lui-même aura plus tard une certaine terreur des araignées, il adore dénicher les plus grosses araignées, les plus vilaines, les plus velues qu'il trouve, voilà, pour les jeter à l'assaut de sa grand-mère et la faire sauter sur les bancs. Donc il fait des farces comme ça, un petit peu macabre, c'est vrai. Donc le voilà au petit séminaire d'Yvetot, mais plus souvent sur la plage d'Étretat, qui finalement restera sa région de cœur. C'est très important ce que vous dites, c'est vrai. C'est parce que faut pas non plus montrer cette période comme un enfer. Hein. C'est aussi il y a quelque chose de paradisiaque pour lui, parce que c'est Éden-sur-Mer. Éden-sur-Mer, voilà. C'est... Il déménage. À un moment, Laure se sépare de Gustave et elle vit avec ses deux fils. Il y en a un autre qui arrive, Hervé, au Vergy, à Étretat, qui est à l'époque un petit village qui commence à être à la mode, où Offenbach a une maison, où un journaliste élève de Paris fait tirer le canon quand il arrive. Enfin, toutes les excentricités sont possibles. Monet peint les aiguilles. Enfin. Et donc là, pour Maupassant, c'est une vie de petits sauvages, de petits faunes à l'air libre. Il court sur la plage, il fait des virées avec les pêcheurs. Et Laure, on retrouve encore son originalité et méprise finalement les classes sociales, les conventions. Et elle prend plaisir à ce qu'il joue justement avec les enfants du peuple. Il a une enfance un peu comme presque comme celle d'Henri IV en Béarn, quelque part. Ce petit aristocrate. Et alors tout à l'heure, vous avez parlé de Flaubert, c'est évidemment primordial dans la biographie de Maupassant. Et le lien qui relie finalement Maupassant à Flaubert, c'est non seulement sa mère, mais c'est surtout son oncle, le frère de sa mère, mort très jeune, à 31 ou 32 ans, d'une maladie cardiaque. Qui était ce personnage? Pourquoi est-il si important? Alors Alfred le Poitevin, donc le frère de Laure, c'est celui qui l'a initié à la littérature. C'est lui qui l'a poussé à lire Shakespeare, et ça a été le meilleur ami de Flaubert. Une amitié vraiment passionnée, dirons-nous. Voilà. Presque plus amoureuse qu'une amitié, qu'un vrai amour. Parce que quand Flaubert en parle des années plus tard, il n'y a évidemment rien de sensuel là-dedans, mais il en parle comme il parlerait d'un amour perdu. C'est vrai, il y a beaucoup d'amour dans une vraie amitié, de toute manière, on serait peut-être d'accord. Et c'est vrai que c'est une histoire à la Montaigne et la Boétie, entre eux, vraiment, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Alors les deux jeunes gens qu'ont grandi à Rouen, le père de Flaubert était médecin-chef à l'hôpital de Rouen, chirurgien à l'hôpital de Rouen, donc dans l'intimité des cadavres, quelque part près des salles de dissection, eh bien ces deux hommes ont forgé leur goût pour la littérature, pour l'évasion. Ils avaient des longues conversations toute la nuit, très romantiques, très passionnées. On les imagine lire Byron, Musset, en fumant jusqu'à pas d'heure. Et ils se voyaient aussi tous les trois avec l'or, évidemment. Il y avait un trio vraiment très très fort, ces trois personnes-là. Et du coup, c'est sur les épaules du jeune Guy que va retomber ce fantôme, puisqu'il paraît qu'il lui ressemblait en plus. Oui, beaucoup. Alors, la jeunesse de Guy de Maupassant, c'est beaucoup le sport. Et le sport, ça va rester pour lui extrêmement important. Je vous propose d'écouter ce que Armand Lanoux disait à ce sujet. Maupassant n'est absolument pas un homme du 19e siècle. Maupassant est à la fois un homme du 18e siècle et un homme du 20e siècle. Je m'explique. Homme du XVIIIe siècle, lequel? Eh bien, il ne faut pas s'y tromper, c'est le XVIIIe siècle de l'abbé Prévost, de Sade, de Rétif, de la Bretonne. C'est le XVIIIe siècle des libertins. Il est bien certain que Maupassant se comporte dans l'existence en très bon disciple de Sade. C'est un homme du XXe siècle, par ailleurs, par bien d'autres points, parce qu'il vit comme les gens du XXe siècle. D'ailleurs, il retrouve, au fond, on pourrait retrouver le saut se fait avec un Roger Vaillant, si vous voulez. Il retrouve d'autres choses dans le XXe siècle. Qu'est-ce qu'il préfigure dans le XXe siècle? Eh bien, c'est cet homme qui, partout, se comporte littéralement en sportif. Le mot existe pour lui et il l'emploie exactement dans le sens où nous l'employons. C'est un homme qui ne peut pas ne pas vivre absolument physiquement. Armand Lanoux, donc, pour qui Maupassant est un homme qui préfigure le XXe siècle avec justement un rapport au corps qui serait, pense-t-il, celui qu'on adoptera au XXe siècle. Vous voyez les choses de cette manière-là également, Frédéric Martinez? Oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que c'est un corps, c'est pas un corps macéré comme le corps du célibataire au XIXe siècle, c'est un corps un peu glorieux, un peu sportif, il préfigure presque un Paul Morand, enfin, c'est très différent. Ou mieux, moi, il me fait beaucoup penser à... pour faire un grand écart géographique et historique, il me fait beaucoup penser à Hemingway, Maupassant. Il a un peu les mêmes descriptions, brèves et très riches, très denses. Et puis, il a aussi cette forme de compétition avec lui-même, avec les autres écrivains aussi parfois pour Hemingway, mais cette compétition permanente avec lui-même, avec son corps. Il se jette des défis assez délirants. Il va le plus loin possible quand il nage dans la Manche à Étretat. Puis je peux vous dire qu'elle n'est pas chaude aux saisons où il nage. Il marche sur la plage, il est toujours dans la dépense physique. Oui, il a aussi besoin de se dépenser, peut-être pour oublier des soucis qui commencent déjà à apparaître. Le tarauder, oui, les fantômes qui commencent à se jeter à l'assaut. Et on a du mal à identifier ce corps particulièrement robuste à le Maupassant qui progressivement va sombrer dans la folie à la fin de sa vie et dans la neurasthénie. On aura le temps d'en parler tout au long de cette émission, mais il y a comme un hiatus là, deux Maupassant qui ne sont presque pas les mêmes. Alors c'est vrai, là vous m'amenez à parler du double qui est chez Maupassant, c'est un peu Dr. Jekyll. Qui est une thématique d'ailleurs. Qui est une thématique qu'on voit dans tous ses livres, c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il y a un Maupassant noir, puis un Maupassant solaire, ce taureau échappé, ce poulain qui court sur la grève. Il y a vraiment deux hommes très différents. Un homme qui est rattrapé par la noirceur sous le soleil. Il cherche le soleil toute sa vie, il cherche les éléments, il cherche... à boire le vent, à boire la pluie. Enfin, il se décrit lui-même comme un faune. Ce qu'on aurait dans un poème de Maurice de Guérin, qui était l'ami de Barbet, qui décrivait le faune. C'est lui, Lui, c'est pas Madame Bovary, Pont, c'est lui, en fait, en quelque sorte. Le Pont moderne, il le dit dans une lettre. Et alors, il va chercher le soleil en Normandie. En Normandie, oui. Car, de manière plus efficace, sans doute, il ira dans le sud de la France. Mais dans sa jeunesse, c'est plutôt en Normandie qu'il va chercher le soleil, près de Paris aussi. Près de Paris. Puisqu'il s'ennuie fermement dans son premier emploi. Affreusement, terriblement, c'est un martyr des ministères. Hein. C'est vraiment l'employé, comme le fut Huysmans aussi. Voué à gratter du papier toute sa journée dans des décors sombres, avec des figures courtelinesques, des ronds de cuir qui, le nez penché, qui, sur leur paperasse, qui ont l'air à moitié mort. Notamment Monsieur Luneau. L'infâme Monsieur Luneau, le sous-chef de bureau qui supporte pas cet homme fringant qui n'a pas vocation à la servitude et qui essaye de faire autre chose de sa vie. Et donc alors là, c'est un cauchemar pour lui. Il déteste Paris, il s'en plaint à sa mère, il est très dépressif. Il n'a pas beaucoup d'argent non plus. Il a très peu d'argent, il est très peu payé, il vit dans une toute petite mansarde. Parce que déjà à l'époque, les loyers sont difficiles à payer. Donc il a une main décorchée, il a déjà des choses très noires chez lui qui lui servent de heurtoir pour sa porte. Et là, il est très très malheureux et il compense ça en allant canoter, parce que la légende du canotier, avec ses grosses moustaches, sa marinière, ses muscles saillants. C'est une partie de campagne. C'est une partie de campagne, voilà. Et c'est tout à fait ça. Et alors, il a ce corps quand même très entraîné. Oui. Il ne faudrait pas ne pas l'utiliser pendant ses moments de repos pour le vouer tout entier aux femmes. Ah oui, alors... Ça, c'est la grande affaire de sa vie avec la littérature. Alors, les femmes, c'est toutes les femmes. On pourrait presque dire que, pour lui, ce sont les femelles plus, hein, puisque c'est un faune. Il est dans une... C'est un surmâle, vous l'appelez le surmâle, comme le titre du roman Jarry, de Fred Jarry. Oui, c'est un surmâle qui aime mettre en scène ses prouesses sexuelles, qui prouve sa santé. C'est un... En passant, c'est un petit peu le roi des maisons closes, hein, le dieu des bordels parisiens. Oui, il est connu dans tout Paris pour ça. Ah, il est connu dans tout Paris, hein, comme le loup blanc. Il donne rendez-vous à ses amis pour qu'ils puissent admirer ses frasques et ses prouesses. Ouais, il faut dire qu'elles sont impressionnantes. Parfois, 19 coups en 3 jours. Et oui, ils s'en vantent. Ce qui est... 6 filles en une heure également. 6 filles en une heure. Il aime beaucoup mettre en scène... sa santé. Voilà, et c'est ça. Et donc, il invite tout le monde à venir le voir. Oui. C'est quand même assez étonnant. Il a été amoureux quand même, mais cet amour l'a peut-être vacciné, justement, contre l'amour. Oui, alors, c'est sur la plage de Trotat, il était tombé amoureux d'une fraîche jeune fille. Il faut dire qu'à l'époque, avant d'être un prosateur flaubertien, il versifiait, il rimaillait de manière... totalement insensé, tout le temps. Hein. S'il y avait un beau coucher de soleil, il en faisait un verre. S'il pêchait un poisson, il en faisait un verre. Si la matinée était douce, allez hop, un poème. Et donc, il rencontre une jeune femme qui a l'air fraîche, charmante, avenante sur la plage. Fanny, c'est ça ? Fanny, voilà, jeune Fanny, en vacances à Étretat. Et il lui fait un poème qui n'augure pas d'une grande carrière de poète, mais où il met en tout cas tout son cœur, tout son amour et toute sa naïveté et sa fraîcheur. Parce que c'est un jeune homme naïf, cet écrivain bientôt pessimiste, désabusé et très cynique, l'auteur de Bellamy. C'est un naïf. Et donc la jeune femme se moque de lui. Il lui donne son poème et il la surprend en train de le lire à des amis... avec des grands éclats de rire. Alors là, pour lui, c'est une tragédie. Le jeune Guy, le petit Guy de la côte normande, il meurt ce jour-là. Alors, c'est là qu'il devient Maupassant, on pourrait dire. Alors c'est ça, c'est que ça pourrait être une anecdote simplement, mais pour vous, c'est un basculement quand même qui s'opère. Et en passant d'un idéal d'amour à un quotidien fait de sexe, on a là quelque chose de Maupassant, écrivain qui se crée. Oui, complètement. Oui, on n'est plus du tout un. Alors d'abord, il veut être poète au début, donc il passe du poème à la prose et il passe de l'amour, du sentiment à la débauche, à la dépense physique, sexuelle. Donc il bascule dans tous les registres en fait, que ce soit dans son art et dans sa vie. Et vous parlez d'une addiction. Vous pensez qu'aujourd'hui, on pourrait dire que il est addict. Ah ben, un médecin, oui, diagnostiquerait. Probablement une addiction au sexe, oui. Je pense, oui. Et alors, à l'une de ses correspondantes inconnues, qu'il aura plus tard, il dit « J'aime la chair des femmes du même amour que j'aime l'herbe, les rivières et la mer. » Et là, on rejoint... Faune. le faune et on rejoint la communion d'enfance avec la nature. Oui, oui. Eros et Thanatos, je le disais tout à l'heure, c'est parfois de mauvais goût oui. quand les deux se rencontrent. Oui. Et vous racontez dans votre biographie, Frédéric Martinez, un certain nombre de blagues de très mauvais goût, mais qui en disent sans doute beaucoup sur le personnage. Oui, il y a notamment, alors, il y a surtout une affaire quand on évoque Maupassant, on ne peut pas ne pas en parler. Il avait créé il aimait bien les... s'amusait à créer des sociétés un peu rabelaisiennes. Il parodiait le langage de Rabelais, un langage faussement grivois, faussement médiéval. Et il avait créé la société des maquereaux, qui était des... Pourquoi les maquereaux? Les maquereaux, j'imagine, pour les poissons et aussi pour les souteneurs. Évidemment, c'est un double sens, comme ils aimaient beaucoup la Seine, pêcher et faire du canotage. Et donc, ils faisaient des virées sur la Seine à Beson, Saint-Germain-en-Laye, Chatou. Et donc dans cette société où on avait aussi Latoc, Petit Bleu et Maupassant, qui avaient pris un nom, Dr Jekyll et Mr Hyde déjà, il s'appelle Joseph Prunier. Donc a priori tout ce qui est de plus normal, si on prend l'annuaire on va en voir plein, hein, des Joseph Prunier. Donc il endosse l'identité d'un tout ce qui est de plus d'un bonhomme banal, et qui en fait est un obsédé. Et il y a des rites d'initiation dans cette société, une sorte de bizutage extrême. Il initie un de ses collègues au ministère. Qui lui a demandé, le collègue. Mais le bizutage tourne aussi mal que le collègue en meurt. Alors là, Maupassant écrit une lettre à une amie extrêmement déplaisante où il explique... Alors, cette lettre sue l'angoisse et la décompensation, on pourrait dire, où il explique, où il relate la mort de cet homme avec manière presque farcesque. Mais on peut sentir sous-jacente une culpabilité... chez Maupassant. Mais alors là, c'est l'aspect le moins sympathique de sa personnalité, bien sûr. Pas très sympathique non plus non. Quand il se peint le sexe aux couleurs de la vérole et va le montrer à ses petites amies. Oui, ça aussi, ça aussi, c'est absolument horrible. Voilà, des farces macabres, on est toujours dans l'épouvante même chez lui. Et puis, dans le macabre, on n'a pas parlé encore, quand vous avez tout à l'heure évoqué la main d'écorchée, de deux personnages qu'il rencontre à Étretat. Ces personnages, c'est Charles Swinburne et son compagnon Powell. Alors Swinburne, un grand poète anglais, enfin c'est un peu le Baudelaire anglais, on va dire, pour comparer dans les thèmes. Ils ont une petite maison à Étretat, ils vivent tous les deux dans des conditions un peu particulières, on va dire, avec des domestiques anglais, un singe, c'est un peu la maison du vice. Ils l'appellent d'ailleurs la chaumière de Dolmancé, en référence au marquis de Sade. Et la philosophie dans le boudoir. Donc Maupassant va là, il a 17, 18 ans, il sauve la vie en fait à Swinburne, je crois, ou son ami, je ne sais plus bien, qui manque se noyer dans la Manche, dans les falaises d'Étretat. Il nageait bien, mais il buvait beaucoup. Il nageait bien, il buvait trop cet anglais, il tenait pas l'alcool finalement, donc Maupassant, notre gaillard, lui sauve la vie, et il invitait, en guise de récompense, de remerciement, dans la chaumière de Dolmancé. Alors là, ça se passe très mal, Maupassant voit des choses très bizarres... Donc on lui montre des photos pornographiques, le singe lui tape dessus quand il mange, il mange une viande qu'il trouve étrange, on lui dit qu'on ne lui donne pas la provenance de la viande, enfin, ce sont des espèces de fanfarons du vice qui mettent en scène tout ça. Maupassant en ressort un peu terrifié, et puis il y revient plusieurs fois, comme s'il avait besoin de voir ce qui se passe un peu là. Et puis, la troisième fois, il leur demande, mais enfin, qu'en est-il Dolmancé, est-ce que c'est l'enseigne de la maison? Alors, il fait référence à la sodomie. Les deux lascars lui disent, mais oui, bien sûr, avec des têtes terribles. Maupassant prend peur, s'en va, n'y revient jamais, mais ça va le hanter. Et il rachètera la main d'écorché que possède Swinburne dès qu'il en aura l'occasion dans une vente aux enchères. Ah d'accord, donc c'est pas un cadeau de Swinburne. C'est pas un cadeau, non. Il l'a racheté. Il l'a racheté, oui. Et il va la garder sans cesse avec lui. Alors qu'il avance en âge, Maupassant a de plus en plus de mal à se débarrasser d'un sentiment de mélancolie qu'on a déjà commencé d'évoquer. On le sent d'ailleurs dans certaines de ses nouvelles, comme Suicide, dont je vous propose d'écouter maintenant un extrait. Autrefois, j'étais joyeux, tout me charmait, les femmes qui passent, l'aspect des rues, les lieux que j'habite. Et je m'intéressais même à la forme de mes vêtements, mais la répétition des mêmes visions a fini par m'emplir le cœur de lassitude et d'ennui. Comme il arriverait pour un spectateur entrant chaque soir au même théâtre. Tous les jours, à la même heure, depuis 30 ans, je me lève et, dans le même restaurant, depuis 30 ans, je mange aux mêmes heures les mêmes plats apportés par des garçons différents. J'ai tenté de voyager. L'isolement qu'on éprouve en des lieux inconnus m'a fait peur. Je me suis senti tellement seul sur la terre et si petit que j'ai repris bien vite la route de chez moi. Mais alors, l'immuable physionomie de mes meubles depuis 30 ans à la même place, l'usure de mes fauteuils que j'avais connus neufs, l'odeur de mon appartement, car chaque logis prend avec le temps une odeur particulière, m'ont donné chaque soir la nausée des habitudes et la noire mélancolie de vivre ainsi. Tout se répète sans cesse et lamentablement. La manière même dont je mets en rentrant la clé dans la serrure, la place où je trouve toujours mes allumettes, le premier coup d'œil jeté dans ma chambre quand le phosphore s'enflamme, me donnent envie de sauter par la fenêtre et d'en finir avec ces événements monotones auxquels nous n'échappons jamais. J'éprouve chaque jour en me rasant un désir immodéré de me couper la gorge. Vous écoutez la compagnie des auteurs sur France Culture et cet essai de suicide, nouvelle de Maupassant, dans laquelle un homme de 57 ans, rongé, on l'a entendu, par l'ennui, décide de mettre fin à ses jours, Frédéric Martinez. C'est donc une nouvelle mélancolique, pour le moins, écrite par un homme de plus en plus mélancolique. Alors de plus en plus mélancolique, de plus en plus triste, que rien n'apaise. Si ce n'est ses entrevues avec Flaubert qui lui donnent des leçons de style. Oui, il y a beaucoup de tristesse chez ce faune. Enfin, il attend beaucoup de la vie et en même temps, enfin, il professe un goût de la vie animale et en même temps, il y a chez lui un désespoir sans fond, abyssal, ou comme si la terre n'était pas assez grande pour contenir cette tristesse, cette mélancolie. Mélancolie qui va le pousser à voyager aussi toute sa vie, qui va être une sorte de lutte pour fuir, en fait, pour fuir les limites du monde, pour fuir les limites de vie, pour fuir presque les limites de son corps. On le verra en Algérie, oui, par exemple. On le verra en Algérie, on le verra dans le sud de la France, on le verra sur ces yachts, ces grands voiliers qui jaugent 10 tonneaux, 20 tonneaux, et sa mélancolie, elle, jauge 50 tonneaux au moins. Et oui, cette mélancolie le rattrape. Ce sont des dépressions de saison. Oui. Dès que la lumière baisse, il sent que ça va moins bien. C'est vrai. Ça ne va plus. C'est vrai. Décembre, c'est le pire mois pour lui. C'est le mois noir, comme il le dit dans une lettre à l'or, je crois. Là, il serait très heureux avec nous parce que janvier, il sentait déjà mieux. Vous voyez, les jours rallongent. Bon. Et oui. Donc. Nous sommes d'une compagnie qui réveille les neurasthéniques. C'est vrai. C'est bien connu. Le cul des femmes est monotone comme l'esprit des hommes. Voilà ce qu'il écrit à Flaubert. Ça veut vraiment dire qu'il n'y a plus d'horizon du tout pour lui. Il n'y a plus du tout d'horizon pour lui. Il est complètement déprimé. Il est malade déjà parce qu'il a la syphilis déjà qui déjà le ravage. Il n'arrive pas à écrire. Il n'arrive pas à percer. Et donc Flaubert, son mentor, l'aide, le tient à bout de bras comme un deuxième père, comme un vrai père. Et je suis heureux que vous citiez cette phrase de Maupassant parce que j'ai quand même envie, c'est un petit peu long, mais quand même, il faut que je vous lise la lettre de Flaubert, peut-être à Maupassant, si vous en êtes d'accord. Allez-y. Alors allons-y. Il se plaint effectivement du cul des femmes, de la vie qui est triste. Et Flaubert lui écrit cette magnifique réponse. Vous vous plaignez du cul des femmes qui est monotone. Il y a un remède bien simple, c'est de ne pas vous en servir. Les événements ne sont pas variés. Cela est une plainte réaliste, et d'ailleurs, qu'en savez-vous? Il s'agit de les regarder de plus près. Avez-vous jamais cru à l'existence des choses? Est-ce que tout n'est pas une illusion? Il n'y a de vrai que les rapports, c'est-à-dire la façon dont nous percevons les objets. Les vices sont mesquins. Mais tout est mesquin. Il n'y a pas assez de tournures de phrases. Cherchez et vous trouverez, lui dit Flaubert. Encore. Et puis encore. Enfin, mon cher ami, vous m'avez l'air bien embêté, et votre ennui m'afflige, car vous pourriez employer plus agréablement votre temps. Il faut, entendez-vous, jeune homme, il faut travailler plus que ça. J'arrive à vous soupçonner d'être légèrement calleux. Trop de putains, trop de canotage, trop d'exercice, oui, monsieur. Le civilisé n'a pas tant besoin de locomotion que prétendent messieurs les médecins. Vous êtes né pour faire des vers, faites-en. Tout le reste est vain, dites-vous. À commencer par vos plaisirs et votre santé. Foutez-vous bien cela dans la boule. D'ailleurs, votre santé se trouvera bien de suivre votre vocation. Cette remarque est d'une philosophie, ou plutôt d'une hygiène profonde. et des vers et de la prose Frédéric Martinez. Maupassant va en faire, nous allons le voir. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Nous allons le voir, mais comme chaque jour au mi-temps de cette émission, c'est le moment de s'arrêter sur les sommaires que nous propose la presse littéraire avec aujourd'hui Julien Bisson, rédacteur en chef du magazine Lire. Bonjour Julien. Bonjour Mathieu. Alors Lire qui vient de publier son premier numéro de l'année, un numéro qui revient sur la rentrée littéraire d'hiver et dont le dossier de une est consacré à Charles Baudelaire à qui nous avons nous-mêmes consacré une semaine de la compagnie des auteurs en novembre dernier. Une très belle série d'émissions, c'est amusant d'évoquer Baudelaire en même temps que Maupassant car ils sont un petit peu cousins littéraires, ils sont contemporains, ils sont Baudelaire lui aussi sera frappé par la syphilis, par le même mal. Cousins littéraires vous diriez ça Frédéric Martinez ? Les mêmes thèmes, les mêmes, le même spleen, bien sûr. Charles Baudelaire, dont on célèbre cette année le 150e anniversaire de la mort, le 160e anniversaire de la publication des Fleurs du Mal. Alors l'occasion pour Lire était belle de revenir sur la vie et l'œuvre du prince des poètes, vous savez, selon les mots de Rimbaud, et même au-delà de la collaboration, de la commémoration. Baudelaire est ce dandy provocateur qui pratique l'art aristocratique de déplaire, un éternel solitaire toujours en lutte contre lui-même. Alors au fil des pages de ce dossier, on revient sur l'histoire secrète des Fleurs du Mal, ce recueil mythique qu'il conçut patiemment pendant 15 ans. On revient sur le jugement de ses pères, de Hugo à Bonnefoy, en passant par Aragon, Huysmans et Verlaine. Nous analysons les mots-clés de son œuvre, revenons sur ses goûts esthétiques, ses conceptions du spleen, du beau, de l'ivresse, mais aussi de la modernité, cette modernité dont il fut l'un des premiers théoriciens et à propos de laquelle il affirmait « La modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable ». C'est ce double aspect, à la fois transitoire et éternel, que nous avons cherché à comprendre tout au long de ce dossier, en nous interrogeant sur les échos de son œuvre sur notre époque, 150 ans après sa disparition. Et vous avez choisi comme titre Baudelaire, réac ou rebelle. Pourquoi ce titre, Julien ? Ah, c'est un titre un petit peu provocateur, bien sûr, parce que vous savez, notre temps qui aime tant coller des étiquettes, aime manier ce genre de concept sans jamais bien les définir. Or, Baudelaire, justement, c'est celui qui brouille les pistes, qui nous interroge sur le sens de la révolte, sur le sens de la réaction. Lui qui fut tout à la fois un partisan de l'ordre et un dynamiteur des convenances. Il sera d'ailleurs tout à fait vain de se demander si Baudelaire est un auteur de gauche ou un auteur de droite, par exemple. C'est quelque chose qui ne s'applique absolument pas à lui, à ses positions et à son œuvre. Lui-même, il affirmait dans « Mon cœur mis à nu »« Je n'ai pas de conviction, comme l'entendent les gens de mon siècle, parce que je n'ai pas d'ambition. » Avant de nuancer tout de même un peu plus loin, cependant j'ai quelques convictions dans un sens plus élevé et qui ne peut être compris par les gens de mon temps. Voilà, c'est dans cette insatisfaction avec son temps, doublée d'une exigence individuelle extrême, que Baudelaire nous interroge, nous qui nous désespérons si souvent de l'époque. Baudelaire est un révolté qui juge le progrès avec sévérité, la démocratie avec mépris, les masses avec dégoût, et qui affirme avec force qu'il ne peut y avoir de progrès vrai, c'est-à-dire moral, que dans l'individu et par l'individu lui-même. Alors à l'heure où l'idée même de progrès paraît un peu à bout de souffle, il est intéressant de lire les mots de Baudelaire, qui examine avec détachement et indépendance une époque, le milieu du 19e siècle, qui est aussi l'époque de Maupassant bien sûr, marquée par le développement de la technologie, l'avènement du capitalisme, la crise des valeurs, l'affrontement entre moderne et anti-moderne, c'est tout ça qui n'est pas sans rappeler un petit peu l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Lire Baudelaire, c'est donc pas simplement rendre grâce à un classique, c'est aussi interroger un contemporain qui éclaire notre temps. Et vous parlez des contemporains, c'est justement pour ça que vous avez exploré dans ce même numéro, en parallèle de Baudelaire, les nouveaux chemins de la poésie. Oui, car vous savez, tous les poètes contemporains sont au final des enfants de Baudelaire. C'est ce que nous explique en tout cas le poète éditeur André Velter, qui nous a accordé un entretien dans ce numéro. Et pour qui Baudelaire a porté la langue française, je le cite, à un tel niveau de perfection, de suavité, de perversité, qu'aucune personne qui use de cette langue en tant que poète ne peut être passée à côté de ce miracle. Ils ont donc enquêté auprès de ces enfants de Baudelaire, bien souvent laissés de côté par les médias, et il faut bien le dire, par une partie des lecteurs. Nous avons interrogé poètes, éditeurs, pour comprendre les nouveaux chemins de la poésie contemporaine, cette poésie qui peine aujourd'hui à se vendre. On considère qu'un recueil se vend, de poésie se vend en moyenne à 300 exemplaires à peu près, mais qui se diffuse, qui trouve une forme de diffusion par d'autres canaux, des revues papier, des revues numériques, au marché de la poésie, dans des salons, des rencontres, lors du Printemps des Poètes ou à la Maison de la Poésie à Paris. Il y a des performances scéniques qui sont organisées un peu partout en France par des gens comme Valérie Rousseau, Alban Gelé, Zeno Bianu. Bref, la poésie française se révèle dans cette enquête comme une société quasi secrète mais souterrainement active, une société littéralement essentielle. Je vais reprendre les mots du poète Guy Goffet qui nous explique ce qu'est pour lui la poésie. La poésie ne se laisse pas prendre au piège de la pensée, de l'intelligence, de l'imagination, de la volonté, mais elle se donne au cœur qui la désire et se reçoit 5 sur 5 comme un coup de poing, un cri d'oiseau dans le matin, la caresse du vent, l'éruption de la beauté dans la boue, la pluie après la canicule. D'un coup, la voici qui se met à parler comme personne, dans votre voix et à votre place. Comme si elle vous connaissait de toujours, comme si elle n'attendait que vous pour vibrer, comme si vous l'aviez écrite dans une autre vie et oubliée sur le bord de vos jours. Dans ce sens, la poésie est faite partout et pour tous. En ce jour, je crois qu'on est lundi 16 janvier, c'est censé être le jour le plus déprimant de l'année. Bien, je trouve qu'il y a là de quoi se réconforter. Merci Julien. Baudelaire donc, hein, plus les livres de la rentrée de janvier. C'est le sommaire de la revue Lire en kiosque en ce moment. Et la compagnie des auteurs reprend son cours dans le sillage de la yaule de Maupassant. Maupassant, dans la littérature, comme le disait Maurice Genevoix, n'est pas tout d'abord théorique. On ne peut pas parler d'une doctrine littéraire de Maupassant. Je crois qu'à aucun titre, Maupassant n'est un doctrinaire. Il a émis beaucoup de théories littéraires, beaucoup d'aphorismes littéraires. Mais au fond, tout cela n'était guère que l'interprétation et l'assimilation et la transformation à travers sa propre expérience littéraire des semailles, si vous voulez, qu'il devait à Flaubert. Ça pourrait se résumer d'ailleurs en quelques mots, c'est extrêmement simple. Réalisme, naturalisme, aussi bien Flaubert que Maupassant avaient tendance à hausser les épaules et à sourire de ces mots-là. Je me rappelle telle lettre qu'ils avaient échangée et où ils se gaussaient l'un et l'autre des turiféraires et des zélateurs du réalisme ou du naturalisme. Est-ce que Flaubert n'a pas dit, par exemple, je n'ai écrit ma Bovary qu'en haine du réalisme de Champfleury ? Je crois bien m'en souvenir. Est-ce que Maupassant aussi, avec Flaubert, je le répète, n'ont pas brocardé, par exemple, Léon Hennique, qui faisait une conférence aux ambassadeurs sur les soirées de Médan et sur le naturalisme? Est-ce que les soirées de Médan même, enfin les jeunes complices des soirées de Médan, n'ont pas rompu très vite avec l'école de Zola? En tout cas, en ce qui concerne Flaubert et Maupassant, réalisme, naturalisme, ils disent « comprends pas ». Réalisme, naturalisme, comprends pas. Les écoles littéraires, ça n'avait pas de sens, Frédéric Martinez, pour Maupassant. Pas beaucoup, ça avait un sens de publicité, un sens commercial pour lui. C'était une manière de se mettre en scène et de pouvoir exister aux yeux de la critique, mais pour lui, non, effectivement, réaliste, naturaliste, ça n'a pas grand sens. C'est pas un théoricien, il a écrit une seule préface, je crois. Oui, la préface de Pierre et Jean, où il développe son art du roman, qui ça pourrait être écrit par Flaubert, là encore. Et sans doute soufflé par Flaubert, cette préface. Oui, sans doute soufflé, après la mort de Flaubert, mais oui. Oui, inspiré, soufflé, en tous les inspiré, cas. Oui. Flaubert n'avait jamais d'ailleurs écrit de préface, non plus. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc non, il n'y croit pas. Il croit à la réclame, en revanche, à la réclame de l'école naturaliste. Il écrit Boule de Suif, ça va être comme un coup de poing. C'est ça qui va lancer sa carrière littéraire et qui va... voilà, qui va lui ouvrir les portes de tous les journaux. Qui va lui permettre de sortir de ce ministère terrible. Sortir de ce ministère terrible, amer. Et donc c'est quand même identifié à Zola qu'il va devenir quelqu'un de célèbre, ou plutôt qu'à Zola, groupe de Médan, puisque Boule de Suif paraît dans les soirées de Médan. Ça paraît dans les soirées de Médan, avec une nouvelle aussi de Huysmans, une de Zola. Et oui, il les fréquente, il les rencontre chez Flaubert, ils ont leurs habitudes dans un restaurant, et Maupassant est identifié de manière claire comme un disciple de Zola, dans les journaux, dans l'époque. Pour lui, voilà, le naturalisme n'a pas vraiment de sens, parce que comme on disait, c'est pas un théoricien, mais même si ses thèmes quand même sont peut-être naturalistes. Alors, les prostituées, les rites de la bourgeoisie, Paris, la province, les amants, les femmes, enfin il y a chose un peu de naturaliste là. Vous avez raison, les thèmes le sont. J'anticipe un peu peut-être sur ce qu'il pensera plus tard et sur ce qu'il en dira, mais alors, peut-être qu'à l'époque il s'est un peu senti naturaliste, mais il y a quand même des lettres où il écrit qu'il n'y croit pas quand même, que les étiquettes n'ont pas de sens, que les écoles sont des mensonges, qu'il n'y a pas vraiment d'école pour lui. Donc celle-ci sert ses desseins, on va dire. Mais tout de même... Mais il y a une fraternité de thèmes, c'est vrai. Oui, et puis Germinal... Il aime beaucoup. C'est un roman qu'il admire quand même beaucoup. C'est vrai. Mais dans Germinal, il y a aussi des scènes qui dépassent le naturalisme. C'est presque fantasmatique par moments. Tous les grands écrivains échappent aux écoles, enfin c'est ce qu'il veut nous dire. Et oui, soyons des originaux, quel que soit le caractère de notre talent, ne pas confondre, dit Maupassant, originaux avec bizarre. Oui. Soyons l'origine avec un grand O de quelque chose qui, peu importe, pourvu que ce soit beau et que cela ne se rattache point à une tradition finie. Ainsi, le citez-vous dans votre biographie. Donc c'est le beau, finalement, qui compte, et c'est le beau que Maupassant compte dépeindre dans ses nouvelles, Frédéric Martinez, et dans ses contes. Le beau, oui, c'est vrai. C'est plutôt, comment dire, une question qui m'embarrasse presque. Une question difficile, en fin d'émission, comme ça. Avec la fatigue. Avec la fatigue, alors je vais tâcher d'y répondre quand même. Non, c'est le beau qui l'intéresse au sens où... c'est plutôt ce qui est un peu au-delà des choses pour ce naturaliste, finalement. Ce sont un peu, on en parlait tout à l'heure à l'émission, ce sont les fantômes qui l'intéressent. C'est un peu ce qu'il y a derrière les apparences. C'est une célébration du monde, c'est la beauté du monde qui l'intéresse. Et puis le beau esthétique, la belle phrase, même si... Là, c'est très flaubertien. C'est très flaubertien, mais il passe pour un écrivain assez simple. Il est même souvent méprisé. Là, on entendait Genevoix et... Mais quand on ouvre des anthologies littéraires, il passe pour un bon petit réaliste, justement, pour un bon petit naturaliste. Et on voit pas trop les zones d'ombre et puis la profondeur qu'il y a dans sa prose très limpide, justement. Elle est presque trop limpide pour être honnête. Et c'est très beau, justement, parce que tout ça affleure, enfin les fantômes affleurent, un roman magnifique comme Pierre et Jean, alors qui, pour le coup... Je suis d'accord avec vous, est typiquement naturaliste. C'est une histoire d'adultère, de bâtard. Et en fait, c'est un roman fantastique, finalement. Tout comme Le Horla est une. Tout comme Le Horla. Un conte fantastique. Alors, on a dit que Maupassant avait connu un succès incroyable. Il devient relativement riche, quand même. Il va même prendre, on aura peut-être le temps d'en parler, un maître d'hôtel, quelqu'un qui va l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Et cela, c'est beaucoup à cause de la presse, parce qu'il va rédiger de nombreux contes, de nombreuses nouvelles pour la presse. Et c'est comme ça, d'une certaine façon, qu'il devient célèbre, Frédéric Martinez. Oui, c'est la forme courte qui le porte au pinacle. Il a une grande fécondité littéraire, il écrit des nouvelles et des nouvelles, des contes et des contes. Il est très fier lui-même de sa fécondité, comme de ses muscles. Il écrit énormément, c'est le roi de la forme courte, de la forme brève. Et de quoi parlent ces chroniques, alors, qui fait qu'il va devenir l'un des journalistes les mieux payés de Paris? Ça parle de beaucoup de choses. Ça peut parler des femmes, ça peut parler de l'Algérie. Il a des prises de position, d'ailleurs, contre le colonialisme, où il stigmatise la bêtise des colons, ce qui est une voie pour le moins originale à l'époque. C'est un peu le contraire de son du roi, finalement, Dombey-Lamy, qui, lui, est plutôt réactionnaire. Oui, du roi qui donc est ce personnage oui. Qui va devenir journaliste, se hisser tout en haut finalement de l'échelle sociale. On peut peut-être écouter à ce propos un extrait de Bel Ami. La Vie française était avant tout un journal d'argent. Le patron étant un homme d'argent à qui la presse et la députation avaient servi de levier. Il avait toujours manœuvré sous un masque souriant de brave homme, mais il n'employait à ses besognes, quelles qu'elles fussent, que des gens qu'il avait tâtés, éprouvés, flairés, qu'il sentait retors, audacieux et souples. Duroy, nommé chef des échos, lui semblait un garçon d'autant plus précieux que les échos étaient, disait-il, la moelle du journal. C'est par eux qu'on lance les nouvelles, qu'on fait courir les bruits, qu'on agit sur le public et sur la rente. Entre deux soirées mondaines, il faut savoir glisser, sans avoir l'air de rien, la chose importante, plutôt insinuée que dite. Il faut, par sous-entendu, laisser deviner ce qu'on veut, démentir de telle sorte que la rumeur s'affirme, ou affirmer de telle manière que personne ne croit au fait annoncé. Il faut que dans les échos, chacun trouve chaque jour une ligne au moins qui l'intéresse, afin que tout le monde les lise. Bel Ami, lu ici par Guillaume Gallienne. Alors ce personnage de Duroy, Frédéric Martinez, cet ambitieux prêt à tout, c'est un anti-Maupassant ou c'est un peu Maupassant lui-même selon vous ? C'est très compliqué, on en parlait ensemble hors antenne tout à l'heure, ça c'est voilà, quelque chose de très complexe. C'est à la fois Maupassant et à la fois pas du tout lui. C'est à la fois tout ce qu'il déteste et tout ce qu'il est un petit peu, tout ce qu'il est contraint d'être. Il va jusqu'à lui prêter ses moustaches au héros du roi. Il lui prête pas tout à fait ses opinions politiques, mais il travaille lui aussi dans un journal à gros tirage. Il est chroniqueur lui aussi. Il a écrit des chroniques sur l'Algérie lui aussi. C'est un roman un peu... Il cherche quand même à se hisser. Il cherche à se hisser comme lui. Il cherche à se hisser comme lui. Il y a une espèce de vengeance d'ailleurs sur le petit chef l'a asservi pendant des années au ministère de la Marine. Enfin, il y a quelque chose un peu de la bile noire aussi dans cette deuxième partie de la vie de Maupassant où, en 10 ans, il va être quelqu'un d'extrêmement célèbre et célébré et très recherché, mais sans pour autant trouver d'apaisement ou trouver de bonheur. Absolument pas. Au contraire, plus sa célébrité va croître et plus lui va être désespéré, plus tout cela va lui paraître vain. Vanité des vanités, tout est vanité, c'est ce que nous semble nous dire Maupassant. C'est ce que dit un des personnages que rencontre Duroy, ce double à la fois négatif et positif de Maupassant. Norbert de Varenne, un vieil écrivain qu'on voit dans Bel Ami et qui lui parle de la mort, qui lui parle des vanités. Et dans Bel Ami, on a mille et un avertissements. Duroy... Tout le monde lui dit de se méfier, tout le monde lui dit que la mort est là, sous ses pieds, et bon, il passe outre, il s'en fiche. Ce qui n'est pas le cas de Maupassant, qui lui est terrifié par la mort toute sa vie. Et là, Duroy continue son chemin triomphant, c'est une apothéose, un triomphe absolu, alors que c'est un personnage abject, ce qui est assez nouveau aussi pour l'époque. Enfin, abject, c'est aussi un personnage... Il a une curieuse innocence en même temps, c'est très étrange, c'est un personnage un peu animal, c'est aussi un peu le triomphe de la brute. Une sorte de férocité d'appétit, une férocité d'appétit chez Duroy. Oui, et puis un élan vital. Un élan vital qui est celui de Maupassant aussi, mais bon, il le transforme. Oui. Et Bel Ami, c'est beaucoup la vie mondaine aussi. Est-ce oui, beaucoup. Est-ce que Maupassant va aimer la vie mondaine? Il va la pratiquer un peu, mais peut-être pas non plus. Il va la pratiquer, oui. Sans démesure? Non, il va la pratiquer un peu par nécessité. Il va un peu se piquer au jeu. En fait, il sera toujours très mal à l'aise dans le monde. Il n'a pas pour lui d'être un causeur, un mondain. C'est pas Alfred de Musset. Il trimballe dans les salons ses gros muscles et son parler embarrassé, sa parole embarrassée. Il n'est pas du tout à l'aise. Il le dit à multiples reprises à des admiratrices qui lui écrivent, qui veulent le connaître. Il dit, mais vous savez, je ne suis pas un causeur, je ne suis pas un mondain, je ne suis pas bavard, je ne suis pas à l'aise avec le langage. Et pourtant, va voir la comtesse Potocka dans son hôtel particulier, Marie Kahn, amie de la comtesse Potocka. Il leur fait des farces, il leur offre des grenouilles. Là, décidément, une centaine de grenouilles. Pas des araignées, c'est des grenouilles. Et finalement, Bel Ami, c'est un roman dont il attend beaucoup et dont va s'emparer le public, dont le public s'empare encore aujourd'hui. Il est étudié dans les écoles. Oui. Et pourtant, c'est un roman qui refuse au lecteur la consolation d'une quelconque fin édifiante. Oui, il n'y a pas de catharsis, En réalité, Frédéric Martinez, et on l'a déjà un peu dit, Maupassant s'élève, et plus il s'ennuie, et plus il va chercher à fuir. Vous racontez l'une de ses fuites à Châteauneuf-les-Bains, cette idylle auvergnate. Oui. Alors ça a donné un peu naissance au roman Mont-Oriol aussi, qui décrit, il est en cure à Châteauneuf-les-Bains, et puis il a une aventure parmi d'autres, oui. Et vous dites qu'il porte en lui l'enfer. Qu'est-ce que c'est que cet enfer qu'il porte en lui ? C'est l'enfer de l'angoisse, de la syphilis, la peur de la folie aussi, la peur de son double, parce que faut savoir qu'il voit son double quand même. C'est ce qu'on appelle l'otoscopie. Il le voit vraiment. Il a des problèmes d'œil. Il a des problèmes d'œil et puis il se voit. Il se voit écrire à sa table de travail. Ou parfois il ne voit pas son reflet, comme dans le Horla. Il crie dans la nuit. Son valet François Tassard vient à son secours. Voilà, ce fameux valet. Alors, dans le Horla, il y a justement un personnage qui voit sur son lit son double mort. Et oui, c'est autobiographique, presque. Alors. Qu'est-ce que c'est le Horla ? Racontez-nous. Le Horla, c'est un homme qui laisse dans sa maison, dans sa chambre, des objets, une bouteille d'eau, et puis sa bouteille est bue la journée. Donc, il y a quelqu'un qui existe, qui est là, qu'on ne voit pas. Et qui est en lui, et puis qui prend le contrôle de sa personnalité, finalement. Tout ça finira très mal, et c'est un peu la vie de Maupassant. À tel point, la nouvelle était tellement terrifiante, tellement fantastique, tellement bien faite, que certains journalistes crurent à l'époque qu'il était fou, vraiment. Il y a deux versions du Horla, mais une qui est écrite à la première personne, et les journalistes ont vraiment cru que Maupassant était devenu fou. Ce qui était un petit peu le cas. Enfin, il était en voie de devenir fou. La syphilis lui attaquait le cerveau. C'est à peu près à la même époque, Frédéric Martinez, qu'il écrit ce petit récit intitulé La Nuit. On est en 1887. Oui. Vous l'avez en tête ? Je l'ai plus bien en tête, La Nuit. Non, ça raconte un événement de grande importance métaphysique, qui est l'emploi de l'électricité dans l'éclairage public en quelques lieux de Paris. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à avoir peur de la modernité, d'Internet. Maupassant, lui, ce qu'il n'aimait pas, c'était l'électricité dans la ville. Non, il n'aimait pas l'électricité. Il n'aimait pas la Tour Eiffel non plus. Il avait signé un manifeste. Ah bon, qu'est-ce qu'il reprochait à la Tour Eiffel? Il trouvait qu'elle écrasait le paysage, qu'elle écrasait l'horizon, et qu'elle changeait la ville. C'était trop grand, trop neuf. Ça lui faisait peur un peu. Et non, il n'aimait pas l'électricité. Mais il aime la nuit, il ne l'aime pas. Il aime comme il aime la neige et qu'il ne l'aime pas. Il y a un rapport de fascination et de répulsion avec tout ça. Il aime la nuit sur l'eau, par exemple. Donc, vers la fin de la vie de Maupassant que nous approchons, Frédéric Martinez, il va sombrer dans la folie à son tour après son frère Hervé, qui lui-même a été emmené chez le docteur Blanche avant lui. Oui, Hervé de Maupassant qui meurt de folie. Sa mère refusait de voir l'évidence, était persuadée que c'était un coup de soleil qui avait dégénéré. Alors non, c'est pas le cas, il était fou, bel et bien, il avait des crises de démence. Et Maupassant, toute sa vie, a porté son frère. Il l'a fait vivre, il a entretenu sa femme aussi, beaucoup fait pour lui. Et puis, il a eu le cœur brisé quand il a dû se résoudre à l'interner. Et là, Hervé lui en a voulu de l'interner. Maupassant a vécu ça avec beaucoup de culpabilité aussi. Il est mort dans ses bras. Et Maupassant disait, le prochain, ce sera moi. Ouais. Et il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. La périméningo-encéphalite interstitielle l'a touché à son tour. Et c'est la phase ultime de sa syphilis. Là, c'est horrible. Il a mal aux os, à la tête, aux yeux. Il ne voit plus rien. Il perd pied. Un homme qui s'éloigne, il perd pied, et plus son corps lui le lâche, plus son corps lui manque, et plus il voyage, puisqu'il ne se sent plus bien. On l'entendait dans la nouvelle tout à l'heure, la nuit, non pas la nuit, enfin la nouvelle qui était lue tout à l'heure. Le suicide. Et voilà, la fin de sa vie devient une sorte de course contre la montre, contre la mort, assez fascinante, je trouve. Maupassant, l'animal barre son yacht dans la Méditerranée. Il tient plus en place. Il est à Paris, il est à Alger, il est à Nice, il est à Aix-les-Bains. Enfin, il est partout à la fois. Il vient à Paris, il reste un jour. C'est une fuite vraiment éperdue. Et le voilà à 43 ans. On a dit qu'il serait mort en 10 ans des ténèbres, aux des ténèbres. Oui. Vous accréditez cette thèse. Ça. Oui, et puis aussi, il disait beaucoup de choses. Hein. Dans le livre, j'essaie de rentrer un peu dans la tête de Maupassant, dans les délires de sa fin. Il prétendait aussi être le fils de Dieu. Enfin, il aboyait. Merci Frédéric Martinez. Je rappelle que la biographie que vous avez consacrée à Guy de Maupassant est disponible dans la collection Folio Biographie chez Gallimard, où vous avez fait paraître en octobre dernier une autre biographie, encore une, mais cette fois de Delacroix. Demain, c'est à Maupassant romancier que nous allons nous intéresser dans la compagnie des auteurs, et plus particulièrement à son roman Une vie. C'est l'universitaire Antonia Fauny qui nous en parlera. Et on termine cette émission avec des lectures de poèmes, aujourd'hui de Serge P., comme toujours par Jacques Bonafé, qui nous fait le plaisir de les choisir pour nous. Bonjour. Ensemble, nous allons venger les mots. Puisque la poésie est action, selon Serge Pey, dont l'éditeur Bruno Doucet vient de publier sous une réconfortante jaquette rouge, venger les mots. Dans sa préface, Bruno Doucet l'appelle « poète en son maquis ». Il y a en lui, dit-il, un colporteur des nouvelles du monde, un chaman en grand dialogue avec les forces de la nature, un partisan des montagnes, toujours prêt à prendre le maquis, un compagnon du vent qui souffle où il veut, sans s'arrêter aux frontières, ni redouter les murs qui séparent les hommes. Plus simplement, un poète solidaire des poètes empêchés, un empêcheur de penser en rond. Venger les morts ? Non. Venger les mots, mais nous pénétrons dans le territoire obscur des gisants. Dès les premières pages, appel au poète à occuper les cimetières, tract, parce que les morts nous tiennent les jambes, pour que nous restions debout, parce que la poésie est devenue le pus d'une blessure à jamais ouverte au bord de nos lèvres, parce que certains avenirs sont derrière nous, parce que certaines ombres aussi, parce que nous devons creuser des trous dans les tombes, dans la lumière et dans la nuit, parce que la poésie conjugue ses verbes au centre des dictionnaires brûlés, parce que la poésie est mise à mort, parce que les livres de poésie sont des alignements d'épitaphes, parce que les bibliothèques jettent des cadavres de papier dans les poubelles ou les caniveaux, parce que les sonnets ne sonnent plus et que les épopées ne portent plus l'épée, parce que les mots ne veulent plus rien dire et vomissent leurs lettres, parce que les verbes sont tués par des policiers de la poésie au service de l'oppression de la poésie, parce que nous voulons venger les mots, parce que nous demandons aux morts d'exister contre les mots qui sont morts, parce que nous avons posé un pistolet d'amour sur la tombe de Verlaine, au cimetière des Batignolles. Et viennent ensuite dans le poème les visites aux tombes de Rimbaud, Rodansky, Breton, François Villon, pauvre François, Huidobro, Antonio Machado, et le poème reprend « Parce que la poésie est la part maudite de nos paroles, parce que la poésie est aux mains des services municipaux du tourisme de la pensée, parce que la poésie est interdite dans les radios et les journaux, parce que la poésie est défigurée dans les écoles au nom de la gymnastique des rhétoriques, parce que nous avons envie de vomir les lettres que les mots ne veulent plus, parce qu'on ne peut plus nous tuer puisque nous sommes déjà morts, parce que nous revendiquons un seul héritage venu de l'avenir, parce que nous sommes les héritiers de ce qu'on ne peut hériter chez les notaires, parce que nous appelons à l'insurrection de la parole des morts, parce que nous convoquons à la dispersion des cendres des poèmes que la société brûle, parce que nous sommes vivants, parce que nous ne devons pas oublier les livres qui ont débordé nos lèvres, parce que nous devons aimer à l'infini ceux qui les ont écrits, parce que nous devons déterrer les poètes assassinés par le silence, parce que nous sommes pauvres, parce que nous devons tirer à volonté sur les fossoyeurs qui se promènent parmi nous. Résistance, occupation des cimetières, barricades de poèmes sur les tombeaux, émeutes, jusqu'à leur finale, grève générale de la poésie contre la mort de la poésie.